ليه جنينة؟ أنت سيب من كل قيمة بين شخص يكون يلعب يلعب يلعب يلعب ويباس بين إجزامينك مودو باسي إتاب يب بم دسي كنياري إتاب مودو نيو بروفيسور بنكم بو مودو دون مو 3 نو دو بيي كومونسون بار زد مودو ني زيمبابوي نكو تري بيان مودو Mune Zambi, prof, pinako, très bien, modu, encore un autre nom, c'est fini. Modu, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, réfléchis, prof, pour mettre une chance, modu, n'ako pour modu, puisque tu as arrêté cette étape, je te donne une autre chance pour passer cet examen. Modu, n'ako, ok, monsieur, merci, oui, pose-moi une question. Prof, n'ako, maintenant, modu, donne-moi trois noms d'animaux, commençons par W. Modu nako wallabi, prof bi nako très bien. Minako wallapi, minako très bien. Modu khala khala khala bi si yag nako wazo. Falako modu nak, falen ko kiye ci examen bi, falen ko refouler.